par Étienne Klein. Aujourd'hui, transmettre la science par petites touches. La situation qui est aujourd'hui la nôtre est tendue. Nous savons tous que le passé ne peut revenir et que l'avenir pourrait n'être ni rose ni radieux. Cette situation fait de nous des hommes et des femmes bloqués dans le présent. Pour évoquer cette situation qui est à peu près la nôtre, Hannah Arendt citait dans La crise de la culture cette parabole de Kafka. Il y a deux forces antagonistes. La première pousse l'homme de derrière depuis l'origine. La seconde barre la route devant lui. Son rêve, cependant, est de quitter d'un saut et momentanément la ligne de combat et d'être élevé à cause de son expérience à la position d'arbitre sur ces forces antagonistes dans leur combat l'une avec l'autre. Fin de citation. Ce rêve de pouvoir sortir du présent, qu'évoque l'auteur du Château, fait penser à celui de toute chroniqueuse ou de tout chroniqueur, de France Culture ou d'ailleurs. Tous tentent en effet, à intervalles réguliers, de se mettre en résonance avec l'actualité, avec l'espoir fou de la surplomber, de s'en écarter par le haut pour mieux la voir. Par ce stratagème, ils espèrent insérer l'événement, toujours ponctuel, dans la longue ligne du temps. Mais de quoi doivent-ils parler? Si le chroniqueur est un chroniqueur de science, alors parfois un sujet s'impose, par exemple lorsqu'une découverte scientifique majeure vient d'advenir. Mais en temps ordinaire, l'actualité ne déborde pas de nouvelles croustillantes en provenance de la science. Malgré l'intense travail des chercheurs, ceux-ci ne découvrent pas l'équivalent du boson de Higgs ou des ondes gravitationnelles tous les 4 matins. Alors souvent le chroniqueur doit se débrouiller pour trouver un grain à moudre, une idée à creuser, un contresens à corriger, une autre façon de regarder le monde. Tantôt, il tente de déployer en une sorte d'écho amplifié du présent ce qui semble à peine faire signe, sans vacarme, presque en silence, en évitant autant que possible de céder à ce que Nabokov appelait le démon des généralités. Tantôt, il use de l'air du temps comme d'un prétexte permettant de porter un regard scientifique, par essence décalé, sur ce qui, a priori, n'a rien à voir avec la science. Mais au fond, qu'est-ce qu'une bonne chronique de science ? Et pourquoi en écrire ? Pour discuter ces questions, j'ai invité Jacques Trenner. Bonjour Jacques Trenner. Bonjour. Vous êtes physicien, théoricien, vous êtes déjà venu à cette émission pour nous parler de la découverte de la fission et de ses retombées les plus immédiates, à savoir la bombe atomique. Mais vous revenez à ce micro pour nous parler d'un recueil de chroniques que vous venez de faire paraître intitulé « Un peu de science, ça ne peut pas faire de mal ». Est-ce que je dois déduire de ce titre, Jacques Trenner, que vous défendez une conception scolaire de la démocratie ? Au motif que beaucoup de questions se posent aujourd'hui qui ont trait à la science. Et pour exercer son pouvoir de citoyen, il faut un peu connaître la science. Oui, alors je suis d'accord avec cette dernière formulation. Dire que c'est scolaire, ça je non. Pourquoi, vous êtes professeur, pourquoi, vous avez été professeur. Oui, bien sûr, oui. oui, oui. Et on sent dans ces chroniques beaucoup de talent pédagogique. Le souci d'être compris, en tout cas. C'est gentil de me le dire. Oui, mais en fait, ces chroniques sont motivées par une constatation simple que vous connaissez aussi bien que moi, c'est qu'il y a de plus en plus de problèmes de société dans lesquels la science, et surtout la technologie d'ailleurs, mais aussi la science, sont impliquées. Et qu'il est bon de savoir un petit peu comment ça marche, quelle est la différence entre une opinion et un énoncé scientifique, quel est le rapport à la vérité, voilà, un certain nombre de choses comme ça. Donc il ne s'agit pas d'enseignement, il s'agit simplement de montrer que un peu comment ça marche. C'est-à-dire, il y a un monde comme ça de scientifiques qui essaye de créer de la connaissance et voilà, c'est intéressant de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors vous dites vous-même que ces chroniques ont été écrites sur deux jambes, on pourrait dire, une jambe contemplative et une jambe polémique. Oui. Contemplative, c'est-à-dire que vous traitez de sujets qui font rêver, les trous noirs et les ondes gravitationnelles par exemple. Oui, ou l'âge de la Terre. Ou l'âge de la Terre qui nous emporte très loin par rapport à nos connaissances communes. Et puis une jambe polémique où vous remettez certaines pendules à l'heure à propos de sujets dont vous pensez qu'ils sont maltraités en général. Oui, oui, oui. Alors qu'est-ce qui vous amuse le plus, la polémique ou la contemplation? Ah non, je crois que c'est les deux. Les deux vraiment sont deux exercices de nature assez différente. Mais les deux sont très intéressants. Donc bon, c'est pour ça que j'ai mis les deux d'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence par la contemplation? Oui, oui, bien sûr. Vous avez deux chroniques qui sont consacrées à l'âge de la Terre. Oui. Une dans laquelle on parle de l'âge de la Terre sans trop parler de science, et une autre dans laquelle on en parle en mettant en avant, au contraire, les résultats obtenus grâce à la science. Oui, oui. Alors, c'est un peu l'histoire des idées sur le sujet. Quoi. Voilà, alors l'âge de la Terre, il vaut combien d'abord? C'est 4,5672 milliards d'années. Alors, plus ou moins quelques dizaines de millions d'années, d'incertitude. On n'est pas à ça près. Oui. Alors comment l'a-t-on su? Quelles sont les grandes étapes dans cette histoire, de l'âge, si j'ose dire? Oui, alors effectivement, c'est une longue histoire. Hein, il a fallu plus de 2000 ans pour stabiliser cette connaissance, qui est stabilisée effectivement depuis les années 1950. Et je pense que ça ne changera plus. La Terre va vieillir. La Terre va vieillir, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais on restera quand même dans les 4,56 milliards d'années. À notre échelle, en tout cas humaine, une petite échelle humaine. Alors, il y a différentes traditions. La tradition hindoue, c'est pas la même que la tradition grecque, etc. Mais si on part des traditions qui ont imaginé un début, ce que toutes les traditions n'ont pas fait, imaginer un début, alors, en Occident, il y a moyen de faire un compte extrêmement précis qui débouche sur quelque chose comme 4000 ans avant Jésus-Christ, en lisant le texte biblique, puisque une fois que le monde est créé et l'homme est créé, en fait, il y a la description de toutes les générations qui vont depuis la création jusqu'à des événements pour lesquels on a des récits historiques. Donc il suffit de faire une addition. Donc il suffit de faire l'addition. Et donc plusieurs grands esprits ont fait ces additions. Newton l'a fait, Kepler l'a fait. Et celui qui l'a fait avec le plus de précision, c'est un pasteur anglican qui s'appelait James Usher et qui est arrivé au 20 octobre 4004 avant Jésus-Christ, le soir. C'est précis. C'est très précis. C'est faux, mais c'est précis. C'est très précis. Il faut ajouter des grands nombres dans cette affaire, puisque Noé, c'est 950 ans. Oui, oui, oui, oui, il y en a Mathusalem, 969. Voilà, il faut accepter que, il y a des gens donc qui on peut faire des millénaires rapidement, comme ça. Oui, oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, oui. Mais ça s'arrête assez vite. Après, une génération, c'est une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, quoi. Donc ça veut dire que la Terre est considérée à cette époque-là comme ayant à peu près 6000 ans. Voilà, voilà. Et en fait, il y a une rupture qui se fait dans l'histoire de la pensée sur ces sujets. Avec des gens comme Spinoza ou Galilée, et Galilée. Spinoza est très intéressant dans son traité théologico-politique parce que c'est un des premiers qui, de façon extrêmement claire, Spinoza est quelquefois difficile à lire, mais son traité théologico-politique est vraiment très très simple à lire, on entre là-dedans très facilement. Et en gros, il est un des premiers, en tout cas, à considérer qu'il faut traiter le texte biblique comme un texte littéraire. Dit plus sur l'histoire de ses auteurs, voilà, que ça. Sur l'histoire du monde. Voilà, c'est ça. Donc c'est un texte littéraire, donc c'est la littérature, et c'est pas du tout péjoratif de dire ça. C'est un poème, disons, un long poème. Mais dans ce cas-là, qui en dit plus effectivement sur l'histoire des auteurs que sur l'histoire du monde, exactement ce que vous disiez. Donc ça change complètement le regard sur le texte biblique, et du coup, ça pointe vers une autre façon de s'intéresser à la question de l'âge de la Terre, et qui est de rechercher des chronomètres objectifs, des chronomètres naturels, dans les phénomènes naturels. Et à partir du moment où a été enclenché, cette dynamique a été enclenchée, et, disons c'est le XVIIe siècle et puis les siècles suivants, alors les gens ont débordé d'imagination. Vous citiez Spinoza, vous avez également parlé de Galilée, qui a écrit en 1615 une lettre absolument incroyable. Ah oui, la Crise de Lorraine, qui est formidable. La Crise de Lorraine, dont vous citez un extrait. Oui. Galilée explique que le sens du texte sacré est souvent caché, qu'il est bien loin du sens littéral, et qu'il a, dit Galilée, été inspiré aux écrivains sacrés pour leur permettre de s'adapter à la capacité d'un peuple vulgaire, ignorant et illettré. Oui, il y va, oui, il y va pas avec le dos de la cuillère. Mais non. L'argument est superbe parce que il dit, voilà, il y a le texte biblique et puis il y a la nature. La nature, on l'aborde avec la raison, avec les mathématiques, avec du raisonnement, et tout ça est soumis à la critique, donc on contrôle à peu près ce qu'on fait dans ce domaine-là. Le texte, il a écrit il y a longtemps, dans des contextes différents, et donc quand il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux, puisque c'est Dieu qui est inspirateur du texte et créateur du monde, donc il ne peut pas y avoir de contradiction. Autrement dit, si on s'aperçoit qu'il y a des contradictions apparentes, entre le texte et les phénomènes naturels, c'est que nous comprenons mal le texte, puisque la raison, elle, on la contrôle. Donc, vous situez au XVIIe siècle, le moment où on commence à considérer que c'est une question de science, au sens où elle réclame des chronomètres naturels, objectifs, et non plus une interprétation des textes. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, vous citez un travail que je trouve vraiment passionnant, celui de Edmund Halley, l'homme de la comète, mais qui a essayé de trancher cette question de l'âge de la Terre en regardant le taux de sel dans la mer. Oui. Alors c'est quoi l'argument ? Alors l'argument, il est très simple, il veut dire les rivières se jettent dans la mer, les rivières, elles sont peu salées, mais elles sont un peu salées quand même, puisque elles dissolvent lors de l'érosion des terres, elles dissolvent des sels, et ces sels finissent par s'accumuler dans la mer. Donc il fait l'hypothèse qu'au départ, l'eau des mers n'est pas salée, et ce sont les rivières, toutes les rivières du monde, qui la salent. Petit à petit, puisque quand il y a le phénomène d'évaporation, en fait, l'eau qui s'évapore, elle contient pas de sel. Le sel, il reste dans la mer, donc il ne peut que s'accumuler au cours du temps. Et donc, si on a une idée de combien les rivières du monde apportent de sel chaque année, en regardant combien il y en a et en divisant par le taux annuel, ben, on obtient un âge. Et il a pas fait ce calcul lui-même, mais c'est une idée qui est extrêmement... On voit bien comment l'imagination se développe dans la recherche de chronomètres objectifs. On imagine qu'il y avait quand même assez peu de données. Alors, il y avait plus de données, donc il n'a pas donné. Oui, donc il a... Alors, mais c'est joli, à la fin du 19e siècle, qui a essayé de quantifier ça et qui arrivait à un âge de 100 millions d'années. Donc beaucoup plus que l'âge donné par les textes. Ah oui, beaucoup plus que l'âge donné par les textes. C'était faux aussi, c'était pas assez, parce que la salinité de l'eau de mer ne s'explique pas par un simple phénomène comme ça. C'est beaucoup plus complexe, et donc voilà. Mais l'idée est superbe. Donc on gagne des ordres de grandeur, hein, simplement en invoquant un argument, disons, physico-chimique. Et quelle est la prochaine étape, l'étape suivante qui va... reposer la question de l'âge de la Terre avec une controverse célèbre. Alors, il y a une controverse magnifique entre Kelvin, un des meilleurs physiciens du 19e siècle, et puis Darwin. Parce que on sait depuis longtemps que quand on s'enfonce dans la Terre, la température augmente. C'est 1 degré tous les 30 mètres, donc c'est 30 degrés tous les kilomètres. Donc il suffit de... Alors le rayon de la Terre, on le connaît depuis longtemps, depuis l'Antiquité, 6400 kilomètres de rayon. Et donc, si on s'enfonce de quelques centaines de kilomètres, on a nécessairement de la roche en fusion. Et donc l'idée est venue à un peu Newton, mais surtout Fourier, et puis Kelvin qui mathématise la chose, que initialement la Terre est une boule en fusion, une boule de roche en fusion à quelques 2000 ou 3000 degrés, et que cette boule se refroidit par sa surface, donc il y a une croûte qui se forme, et elle continue de se refroidir ainsi. Ce qui gouverne le taux de refroidissement, le rythme temporel avec lequel cette Terre se refroidit, c'est la conduction de la chaleur. La chaleur qui se propage de la région la plus chaude interne vers l'extérieur, et puis ensuite elle s'évacue dans le vide. Et donc ça, Kelvin est capable de le mathématiser, d'en donner une forme compacte, et de donner une expression pour le gradient thermique de surface, c'est-à-dire justement les 30 degrés par kilomètre à la surface. Ça, évidemment, ça évolue, puisque au début, c'était moins que ça, le gradient était très raide. À la fin, quand tout sera refroidi, toute la température sera uniforme et sera la température, ambiante, 15 degrés Celsius. Et donc, l'évolution temporelle du gradient thermique de surface renseigne sur le temps qu'il a fallu pour passer de l'instant initial à aujourd'hui. Et il calcule quelques... Alors, il y a des incertitudes, mais il calcule, en gros, quelques dizaines de millions d'années, jusqu'à 100 millions d'années, mais moins que 100 millions d'années. Et ça, c'est confirmé aussi par une autre théorie qu'il fait concernant l'origine de l'énergie solaire. On ne connaît pas les processus de fusion nucléaire, bien sûr, à l'époque. Mais on sait que c'est la gravitation. C'est la gravitation, c'est l'effondrement gravitationnel qui réchauffe la matière, un peu comme une pompe, quand on comprime l'air dans une pompe, la température augmente. Donc, il y a une... l'origine du rayonnement solaire, c'est ça, et il est capable de calculer ça aussi, et il trouve quelque chose qui est à peu près compatible avec la première évaluation. Il dit c'est pas une coïncidence. Et donc il dit c'est pas une coïncidence, et donc voilà. Si ces deux nombres sont les mêmes, c'est que c'est le bon âge. Voilà. Oui, c'est que c'est le bon âge. Et alors ça ne plaît pas du tout à Darwin et aux géologues qui n'ont pas de mesure absolue du temps, mais qui sont convaincus, et Darwin en particulier, que pour faire évoluer les espèces, il a besoin de beaucoup plus de temps que ça. On regarde la distribution des fossiles dans les sédiments, le temps de formation de ces sédiments, et il a besoin de beaucoup plus de temps que ça, il a besoin de centaines de millions d'années, voire plus. Mais il est incapable de donner un chiffre. Donc la situation est extraordinaire, parce que vous avez un des meilleurs physiciens de son temps qui, avec la meilleure physique, produit un chiffre dont on sait maintenant qu'il est faux. Et Darwin a raison, mais il ne sait pas montrer pourquoi. Mais est-ce que le résultat de Kelvin a été utilisé pour contester la théorie de Darwin ? Dans l'autre sens, parce que Darwin conteste les calculs de Kelvin. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Non, pas à ma connaissance. Encore que Kelvin lui-même... Donc, connaissait Darwin, et l'argument de Darwin, il le connaissait, c'est-à-dire, la vie sur Terre, elle a sa temporalité propre, et lui, pour lui, c'était pas un vrai problème, parce que la vie pouvait très bien être venue d'ailleurs, etc. Il y avait une conception aucunement rigoureuse, mais pour lui, c'était pas un problème, cette affaire-là. Mais, en voilà. Tout cas, c'est... Darwin qui avait raison. Oui, c'est Darwin qui avait raison. Il était incapable de dire pourquoi. Et l'autre pensait avoir raison et il avait tort. Et voilà. Pour différents types de raisons, d'ailleurs, il avait tort. Parce que dans sa conception, il n'y avait pas de mouvement de convection interne. Or, un de ses élèves lui avait fait remarquer que si on tenait compte de mouvements de convection interne, puisque c'est de la roche, elle est fluide, à quelques milliers de degrés, donc elle peut très bien faire arriver de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, non seulement par conduction thermique, mais par convection, et ça c'est beaucoup plus efficace. Et si on tenait compte de ça, alors on obtenait des âges qui étaient beaucoup plus élevés, qui étaient plutôt de l'ordre de 1 milliard ou 2 milliards. Qu'est-ce qui a permis de savoir le bon chiffre ? Alors, le bon chiffre, ça a été la découverte... Les 4,56 milliards d'années que vous avez évoquées. Voilà. Alors après, ça a été la découverte de la radioactivité et le fait que les éléments radioactifs fournissent des chronomètres à toutes les échelles de temps, puisque la radioactivité d'un élément peut se passer de façon extrêmement brève ou bien extrêmement longue. On appelle période le temps au bout duquel... un ensemble de noyaux radioactifs est divisé par deux, et on a des périodes d'éléments radioactifs qui vont de la seconde ou la fraction de seconde au milliard d'années. L'uranium-235, sa période de décroissance est 800 millions d'années, et l'uranium-238, c'est 4,5 milliards d'années, je trouve. Et il y a d'autres éléments comme ça. Et donc, on a des chronomètres. Vous prenez une météorite et vous regardez... La proportion qui contient de l'uranium, vous regardez sa proportion d'uranium. En fait, à côté de l'uranium, il y aura du plomb, parce que la chaîne radioactive qui part de l'uranium aboutit au plomb. Et donc, s'il y a du plomb au contact de l'uranium, c'est que probablement il vient de l'uranium, et en calculant les proportions, eh bien, on a un chronomètre. Quoi. Et toutes les mesures faites par ces méthodes-là convergent. Et toutes ces mesures convergent. C'est pour ça que vous dites que l'âge de la Terre ne changera plus. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quand même une hypothèse qui est forte, qui est de dire les lois de la physique étaient les mêmes il y a 4,5 milliards d'années qu'aujourd'hui. Bon, ça, on a des indices multiples qui le montrent. Oui, c'est ça. Mais ça aussi, c'est une question scientifique. On peut se poser cette question-là. Est-ce que les lois de la physique ont évolué au cours du temps? Et donc, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Et on peut montrer que si les lois de la physique évoluent au cours du temps, c'est suffisamment lentement. On est capable de mettre des bornes supérieures à l'évolution temporelle des lois de la physique si elles évoluent avec le temps. Et cela ne remet pas en cause l'évolution. Si elle est là, est tellement faible que ça ne remet pas en cause l'âge. Si je puis me permettre, Jacques Trenner, les lois de la physique, elles évoluent. Einstein, c'est pas Newton. Ce sont les lois physiques qui n'évoluent pas. Oui. Les lois physiques D'accord. n'évoluent pas, oui. Les lois de cette émission non plus. Oui. Et donc, on va passer à un morceau de musique que vous avez choisi. C'est un morceau de Shostakovich, oui. Que vous nous commenterez tout à l'heure. Oui. Jacques Trenner, vous avez choisi ce prélude de Shostakovich pour des raisons que vous allez nous révéler. Ben c'est de la musique superbe. En fait, c'est un hommage, c'est le prélude et fugue de Shostakovich, c'est un hommage au prélude et fugue de Bach. Décider de rendre hommage en recomposant, en composant un nouveau prélude et fugue, comme ça, 12 préludes et fugues, voilà, c'est quand même assez risqué et le résultat est absolument extraordinaire. Donc, et là, c'est joué par Keith Jarrett, qui est un pianiste de jazz, mais de formation classique et qui enregistre de temps en temps des œuvres classiques. Alors, nous écouterons tout à l'heure une seconde œuvre de Shostakovich, oui. Que décidément vous semblez beaucoup aimer. Ah, oui. Alors, on va continuer sur cette veine, disons, contemplative, pour parler d'un autre sujet qui est assez présent dans les chroniques que vous publiez, Jacques Trenner, c'est la question des trous noirs, des ondes gravitationnelles, récompensées par le prix Nobel de physique 2017. Deux trous noirs ont fusionné il y a 1,3 milliard d'années, émettant des ondes gravitationnelles qui ont été détectées en septembre 2015 par une expérience américaine. Est-ce que vous pensez qu'on a traité suffisamment bien ce sujet et que l'importance qu'il a pour les physiciens, les astrophysiciens, a été suffisamment prise en compte? Si vous posez la question, c'est que vous pensez que peut-être il n'y a pas eu non, suffisamment d'importance. Moi, je pense que c'est un événement absolument majeur. Oui, et qu'il aurait été intéressant d'ailleurs d'avoir l'avis d'Einstein sur tout ça, parce qu'Einstein croyait aux ondes gravitationnelles, mais pensait qu'on ne pourrait jamais les détecter. Par ailleurs, il ne croyait pas aux trous noirs, qui pourtant sont la source des ondes gravitationnelles qui ont été détectées. Donc je pense que sa réaction serait intéressante à connaître. Moi, j'ai eu le sentiment que ça a été traité dans les médias. Donc, je n'ai pas eu le sentiment qu'on ne donnait pas son importance à cette chose-là. Et puis, de toute façon, je pense qu'on va y revenir périodiquement, puisque, en fait, l'importance de cette découverte qui était attendue par tous les physiciens, puisque c'est une conséquence tellement direct de la relativité générale que, bon, ça aurait été c'était difficile d'imaginer qu'elle ne soit pas là. Mais ce qui est important, c'est que ça ouvre une nouvelle façon d'observer l'univers Et donc régulièrement, on va avoir des informations provenant de... Mais vous-même, en tant que physicien, façon, quand l'annonce a été faite, c'était en février 2016, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ce que vous dites, c'est-à-dire, c'était attendu, donc il était normal que ça advienne, ou est-ce qu'il y a eu quand même un sentiment d'émerveillement? Alors, l'émerveillement, il a été en fait sur le... Enfin, en ce qui me concerne, sur le tour de force technique. Pour les détecter, il faut une précision de l'ordre de 10-21, je crois, en mesure relative. Donc une précision de 10-21, on n'imagine pas. Enfin, c'est difficile. C'est un millième de milliard de milliards. Mais on a pu voir le signal que parce qu'il avait été préalablement calculé. Oui, bah oui. Oui, on l'a reconnu, donc, en fait. Je me souviens très bien qu'il y a 20 ou 30 ans, quand, donc les gens avaient calculé la précision qu'il fallait. Et on se disait, mais bon, alors ils vont se lancer les physiciens qui se lancent là-dedans, ils en ont pour toute leur vie et peut-être qu'ils n'y arriveront pas parce que c'est au-delà des possibilités. C'est pas très facile de se faire une idée, une image mentale de ce qu'est cette précision de 10-21. Mais si on le fait, si on essaye de partir de notre échelle et puis de remonter 10-1, 10-2, etc. pour aller jusqu'à 10-21, alors on est pété d'admiration devant l'inventivité des gens qui ont réalisé ça. Alors vous concluez votre chronique Jacques Trenet sur les trous noirs en citant Woody Allen, qui aurait dit « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin ». Vers la fin, oui. Alors, je suis désolé de vous dire que cette phrase n'est pas de Woody Allen. Ah oui. On lui attribue toujours. Oui, oui, oui. Bon, on la trouve dans le château de Kafka, on la trouve... Pour ça, j'ai cité Kafka dans mon préambule. On la trouve dans Kafka, on la trouve dans Talleyrand. Oui. On la trouve chez Groucho Marx. Oui, oui, bref, oui, c'est un dicton. Je me suis rendu compte après coup. Mais on ne prête qu'aux riches. Oui. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, je le disais, votre livre de chronique Jacques Trenet est écrit sur deux jambes, et on va continuer sur cette jambe enthousiaste. Vous parlez à un moment de sérendipité, c'est-à-dire découvrir des choses qu'on n'attend pas en cherchant autre chose qu'on ne trouve pas. Oui. Et vous mettez dans la catégorie de ces recherches ou de ces trouvailles qui sont faites par sérendipité, la découverte de la cause de l'extinction des dinosaures. Oui. Une histoire assez fabuleuse. Ah oui. Est-ce que vous pouvez en donner les ingrédients essentiels? Oui, oui. Alors, l'histoire commence par un dialogue entre un père et son fils. Pas n'importe quel père. Pas n'importe quel père. C'est Luis Alvarez, qui est prix Nobel de physique, qui est à Berkeley, prof à Berkeley, et qui a un prix Nobel de physique pour ses découvertes en physique des particules. C'est un type qui a fait beaucoup de choses, mais en particulier à partir des années 50-60 en physique des particules, il a le prix Nobel pour ça. Et son fils est géologue, et donc un jour, il travaille en Italie, le fils. Donc ils sont à Berkeley, ils discutent, qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, voilà, j'étudie la transition crétacé-tertiaire dans les sédiments, ce qui se passe à la transition entre le crétacé et le tertiaire, et il lui montre une petite couche d'argile, enfin un extrait d'une petite couche d'argile de 2-3 cm qu'on voit à la transition crétacé-tertiaire. Et ce qui est frappant, c'est que les fossiles du crétacé, dans les sédiments du crétacé, sont extrêmement abondants, de variétés d'espèces, etc. Et puis on passe cette petite couche d'argile, et au-dessus, c'est extrêmement pauvre. Donc on voit le drame. Il s'est passé quelque chose de terrible, quoi. Quelques centimètres de... Alors il faut convertir ces centimètres en temps, mais c'est un événement extrêmement brutal dans lequel il y a 25 ou 30% des espèces qui disparaissent. Donc le père est frappé par ça, il dit, mais et combien de temps il a fallu pour déposer cette couche d'argile? Et le fils dit, personne n'en sait rien. On ne sait pas exactement, et donc il se met à réfléchir sur comment faire ça. Donc le père Alvarez, avec deux chimistes nucléaires, ont l'idée de mesurer le taux d'iridium. L'iridium, c'est un métal de la famille du platine. Le taux d'iridium qui se trouve dans cette couche d'argile. Donc, pourquoi l'iridium? Pourquoi l'iridium? L'iridium, il y en a très très peu, quasiment pas dans la croûte terrestre, parce qu'il forme un alliage avec le fer. Et donc, quand la Terre s'est différenciée, les éléments les plus denses ont formé le noyau. L'essentiel du fer se trouve à l'intérieur, dans le centre de la Terre. Et donc tout l'iridium initial s'est retrouvé là. Et l'iridium qu'on trouve à la surface de la Terre, en fait, provient des apports extérieurs par toute la matière météoritique qui tombe en permanence sur la surface de la Terre. C'est en gros 10 000 tonnes de matière météoritique, qui contient donc de l'iridium. Alors, comme on sait en gros combien, c'est 10 000 tonnes par an, combien de matière météoritique arrive sur la Terre, on connaît la proportion d'iridium qu'il a dedans, en mesurant dans des sédiments la teneur en iridium, eh bien, on a un chronomètre, là aussi, on peut savoir combien de temps il a fallu. Alors, ils font ça, il y a trois sites où on observe dans des falaises la transition crétacé-tertiaire. Donc il y a ce site où travaille le fils Alvarez, Walter, un en Italie, un autre en Espagne et un autre au Danemark. Donc ils prélèvent et puis par des méthodes d'activation nucléaire, ils mesurent la quantité d'iridium qu'elle a dedans. Et là, alors c'est là la sérendipité, c'est en ça que c'est un exemple, ils s'aperçoivent qu'il y a 100 fois plus d'iridium là que dans les couches en dessous ou au-dessus. Et donc la question change, D'où vient cet iridium ? Voilà, d'où vient cet iridium ? Et du coup, on laisse tomber la première question, on va y revenir. Mais ils se disent, mais d'où vient cet iridium? Comment il peut y avoir un enrichissement à ce point? Alors, ils élaborent plein d'hypothèses. Et finalement, la seule qui tienne le coup, ils font des tas de séminaires, de réunions, où ils invitent des gens, etc. Bon, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut imaginer un mécanisme qui concentre comme ça l'iridium. Et finalement, la seule hypothèse qui tienne le coup, c'est de dire, ben voilà, il y a eu une grosse météorite. Qui a donc une origine extraterrestre. Extraterrestre, oui. Quelque chose comme la comète de Halley, c'est-à-dire 10 km de rayon ou de diamètre. C'est-à-dire, c'est le ciel des Gaulois qui tombe sur la tête. Ça bouge tout l'horizon. Et c'est un truc qui arrive comme ça à 30, 20 ou 30 km par seconde, qui fait un splash gigantesque, qui projette, alors qu'il est complètement vaporisé, qui vaporise 10 ou 100 fois son propre volume dans l'atmosphère. Tout ça, ça se répand en quelques semaines sur toute la surface de la Terre à cause des vents. Et ça provoque une espèce d'hiver, parce que... D'extinction des espèces. Ouais, toute cette matière bloque le rayonnement solaire. Donc les plantes meurent, donc les animaux qui se nourrissent des plantes meurent, etc. Et finalement, ça provoque en cascade une extinction massive d'espèces, quoi. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que à l'époque, donc moi, il se trouve que j'ai passé un an à Berkeley juste un peu après, et donc il y avait une prédiction dans cette théorie, ça voulait, qui était que partout dans le monde où on examinerait cette petite couche d'argile à la transition crétacé-tertiaire, on devait voir des enrichissements d'iridium par des facteurs 10 ou 100. Et ça, il fallait le tester. Et ça a été fait et ça marchait. Ça donc c'est depuis cette date-là qu'on est à peu près tous d'accord sur la cause de l'extinction des dinosaures. Alors il y a ça, il y a différents types de marqueurs. Mais un des marqueurs importants, c'est qu'on a trouvé là où cette météorite est tombée. Elle est tombée dans le golfe du Mexique, ce qui, pour les gens qui travaillent sur le sujet, est plus agréable que si elle était tombée quelque part en Sibérie. Dans le golfe du Mexique, c'était une formation circulaire que les pétroliers connaissaient, parce qu'ils repèrent évidemment ce qui se passe dans les sous-sols marins. C'est une espèce de cirque de 300 km de diamètre, et qu'on sait dater. Et en fait, ça correspond à ces 65 millions d'années, donc on sait que c'est ça. Alors, il se trouve que une autre équipe française, cette fois, animée par Vincent Courtillot, s'est intéressée un petit peu plus tard à un événement volcanique massif qui s'est déroulé dans le nord-ouest de l'Inde. C'est en gros le tiers de la superficie de l'Inde. Il y a des dépôts volcaniques sur 3 km d'épaisseur. Et les géologues qui s'occupent de datation voulaient savoir combien de temps ce phénomène avait pris. Et on pensait que c'était plusieurs millions d'années. Et en fait, en mesurant les changements de polarité de la matière magnétique qui se trouve dans ces dépôts volcaniques, ils se sont rendus compte que c'était 500 000 ans. Et donc... un événement volcanique de cette ampleur, qui dure 500 000 ans, ça produit aussi plein d'aérosols et de poussières qui sont envoyées dans l'atmosphère, et ça a finalement un effet semblable à celui de la météorite. Donc il se trouve que les dinosaures n'ont pas eu de chance, quoi, parce qu'ils ont, eu à la fois la météorite, parce que ça, c'est sûr que cette météorite est tombée, et que ce soit un événement planétaire, c'est absolument certain. Et puis, il y a eu cet événement volcanique, dont on est sûr aussi. Donc, en fait, il y a eu ces deux causes-là. Ils n'avaient pas beaucoup de chance. Deux coups de massue. Oui, deux coups de massue. Différents. C'était difficile de... Ouais, différents. Qui sont. Donc, voilà un bon exemple de découverte par sérendipité, qui est aussi une sorte d'éloge du dialogue père-fils. Et parce que vous parlez de poussière, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on détecte quand on met, par exemple, quand on équipe les avions de capteurs qui recueillent les poussières qui traînent dans l'atmosphère quelques kilomètres d'altitude? Oui. Ça, c'était une idée que... C'est l'objet d'une de vos chroniques. Oui. Que Morette... Michel Morette, oui, qui était planétologue à Orsay, il y a quelques dizaines d'années, il avait eu une idée, qui est un type très inventif, il avait eu une idée... très simple pour récupérer justement une partie de cette matière météoritique qui tombe en permanence sur le sol. Il disait, mais voilà, il y a des avions qui volent en haute altitude, et donc si on leur demande juste de développer à l'extérieur de la carlingue une plaque, eh bien, à leur passage, ils ramasseraient des poussières météoritiques, quoi. Donc ensuite, il suffirait de les amener au laboratoire et de les analyser. Une autre façon de faire, c'est de regarder au pôle, dans les régions polaires, parce que la neige et la glace fondent et cette matière météoritique est entraînée par justement cette eau qui fond. Et là où elle se concentre, eh bien, il y a plus de matière météoritique. Mais pour les avions, donc ça s'est fait, ils l'ont fait. Et en fait, en regardant après au laboratoire, c'était il y a une trentaine d'années ça, hein, au moins, ils sont aperçus que 90% c'était de la poussière de peinture. Des satellites qu'on envoie et qui perdent nos coups de pinceau sont à longue portée. C'est la peinture qui est dispersée par les collisions entre satellites et Je crois que c'est les frottements contre l'atmosphère, etc. Donc il y a des poussières de peinture qui se répartissent. Donc l'homme laisse des traces partout, enfin très loin en tout cas. Oui. Mais c'est devenu un problème vraiment important maintenant, parce qu'il y a eu tellement de satellites qui ont été envoyés, une fois qu'ils sont, ils ont fini leur vie de satellite, eh bien qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Or, ils sont nombreux. Hein. Jacques Trainer, c'est le moment d'écouter le second morceau de musique que vous avez choisi, qui est également, comme l'autre, de Shostakovich. Je pense que tant qu'il y aura des jeunes prêts à travailler le piano pour jouer des œuvres comme ça, tout espoir n'est pas perdu. Alors de quel morceau s'agit-il? Il faut le préciser, comme c'est une fugue de Shostakovich. Shostakovich, oui, qui correspond au prélude qu'on a entendu tout à l'heure. Bon, moi je suis content que vous ayez pris la parole, parce que je trouve que c'est difficile de parler après l'audition de ce morceau. Oui. Revenons à vos chroniques, Jacques Trainer. Alors, certaines sont graves, certaines sont enthousiastes. Parfois vous amusez, par exemple, quand vous parlez de probabilité ou de statistiques, quand vous rappelez ce jugement de Coluche qui faisait remarquer que un tiers des accidents de la route sont dus à l'alcool, ce qui veut dire que deux tiers des accidents sont dus à des gens sobres. Il faudrait donc convaincre de boire pour diminuer les taux d'accidents. Bon. Parfois, vous parlez de découvertes ou de problèmes de physique qui sont difficiles à résoudre. Par exemple, pourquoi la glace flotte ? C'est lié à la liaison hydrogène. Je ne sais pas si on a le temps d'y revenir. Vous voulez peut-être en dire un mot ? Alors, peut-être juste un mot pour dire que... Qu'est-ce qu'une bonne question ? Quelle est la différence entre une bonne question et une mauvaise question ? C'est la réponse qui dit si la question était bonne. C'est-à-dire, si la réponse est riche, alors c'était une bonne question. Et se poser cette question-là, pourquoi la glace flotte, c'est une bonne question parce que on déroule des pans énormes de la physique quand on est... Parce qu'elle devrait ne pas flotter comme tous les autres corps. Oui, parce que tous les solides, en général, les phases solides sont plus denses que les phases liquides. Donc elles coulent. Elles coulent, voilà, c'est ça. Dans leur propre liquide. Voilà. Tandis que la glace, elle flotte. Et y a plein de poissons qui sont vachement contents que la glace flotte. Parce que les lacs de montagne, par exemple, ils gèlent par le dessus. La glace est un isolant, la neige qui est dessus, c'est un isolant. Et donc, en dessous, il y a une vie qui peut continuer, etc., jusqu'au prochain été et la fonte. Et donc, la vie continue en dessous, quoi. Alors, j'ai lu qu'au Moyen-Âge, les gens ignoraient que la glace était moins dense que l'eau liquide. Oui. Et ils pensaient que ça correspondait à une sorte de force et que lorsque une bouteille d'eau se casse sous l'effet du gel, eh bien, ils affirmaient que la nature préfère briser la bouteille plutôt que de laisser du vide se former à l'intérieur. Et donc, on utilisait l'horreur du vide attribué à la nature comme explication du fait que les bouteilles cassent quand l'eau qu'elles contiennent gèle. Oui. Alors, il y a un autre phénomène, peut-être on va s'y attarder, parce que ça évoque la sérendipité, Jacques Trenner, que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Un phénomène qui a été découvert par un jeune lycéen en 1963, qui s'appelle Erasto Mpemba. Vous connaissez ça ? Non. Et en fait, il a découvert que l'eau chaude peut geler plus vite que l'eau froide dans certaines conditions. Ce qui est bizarre, puisque l'eau chaude doit d'abord devenir froide avant de geler. Oui. Et l'idée en est venue lors d'un cours de cuisine, lorsqu'il se rendit compte que le lait chaud qu'il avait mis dans le réfrigérateur s'était transformé en crème glacée plus rapidement que le lait froid qu'y avaient mis ses camarades. Alors, il en a parlé à ses professeurs qui l'ont pas cru, puis il a trouvé un chercheur, Denis Osborne, qui l'a pris au sérieux, qui a reproduit avec succès l'expérience et on a publié les résultats. Et on appelle cet effet l'effet Mpemba, ça ressemble à Mbappé qui est plus connu, mais c'est un effet qui n'est toujours pas complètement compris, d'autant que ça ne marche pas dans toutes les situations. Ah, donc je vous donnerai une longue documentation là-dessus, vous en ferez une chronique. Maintenant parler de sujets qui vous tourmentent davantage que les ondes gravitationnelles ou la liaison hydrogène. C'est la question de l'énergie à laquelle vous consacrez de nombreuses chroniques. Énergie et climat. Énergie et climat, le lien entre les deux. Et qu'est-ce qui fait que vous estimez qu'un physicien doit parler de ces questions avec une voix peut-être plus forte que les autres? Oui, je crois que ça fait partie du cahier des charges, c'est-à-dire de se situer à l'interface entre le laboratoire et la société. En fait, cette interface, il est plutôt entre la technologie et la société, parce que le contenu des sciences, enfin les connaissances apportées par la science, ont relativement peu d'effet sur la société. Un tiers du PIB, peut-être 30% ou 40% du PIB, est fait avec de la mécanique quantique, c'est-à-dire avec des objets qui contiennent de la mécanique quantique, mais cette mécanique quantique est complètement transparente. On ne la voit pas, personne, et qui comprend la mécanique quantique. Donc, non, mais ça vient du fait que le monde est quantique, en fait. Oui, mais c'est qu'on a fabriqué aussi, on a fabriqué des objets à partir de cette mécanique quantique, et les objets, eux, ils changent les rapports entre les gens, ils changent nos rapports avec la nature. Donc vous parlez aussi du téléphone portable, contenu, de l'ordinateur, des lasers. Ça. Oui, tout ça. Donc c'est lié à la constante de Planck. Générale, elle est comprise dans le GPS. Donc voilà. Mais simplement, on ne la voit pas. Donc le contenu de connaissances qu'il y a dans les sciences a relativement peu d'effets, y compris peu d'effets culturels, quoi. Sauf que bon, tout le monde sait maintenant, en gros, que c'est pas la peine de brûler les sorcières pour essayer de faire pleuvoir. On sait que voilà, en gros, ça c'est une connaissance partagée, et donc de ce point de vue-là, c'est une connaissance qui a eu un effet culturel. Mais il y a très peu d'exemples comme ça. La relativité générale, elle, on la voit pas dans la vie de tous les jours. Elle est transparente. En tant que telle, oui, elle est complètement transparente et les objets sont faits comme ça et c'est normal qu'ils soient faits comme ça. Alors, la technologie, c'est différent, parce que celle-là, on la voit, et le passage d'une connaissance à une technologie, l'implémentation d'une connaissance dans une technologie, ça, on aimerait que ça relève de processus démocratiques. Alors que la production de connaissances ne relève pas de processus démocratique. On ne vote pas les lois de la physique au Parlement. Tandis qu'on peut voter au Parlement si on va développer telle technologie, telle autre, etc. Encore que ça se fasse assez rarement, parce que si on regarde vraiment ce qui a changé tous les modes de fonctionnement de la société dans les 30 ou 40 dernières années, c'est vraiment l'informatique et Internet et l'informatique, disons, de façon générale. Or, on n'a jamais soumis au vote l'implémentation de l'informatique. Elle se fait, et puis voilà, c'est comme ça. C'est beaucoup plus important que tout ce dont on parle sur l'énergie nucléaire, sur les éoliennes, sur les photovoltaïques, etc. L'informatique, c'est beaucoup plus important de ce point de vue-là. Donc, il y a cette interface entre une logique du laboratoire qui n'est pas démocratique. Elle est démocratique entre les scientifiques, mais elle n'est pas démocratique par rapport au reste de la société, encore une fois, parce qu'on ne vote pas les lois de la physique au Parlement. Donc, il y a cette logique-là. Et puis, il y a la logique sociale qu'on voudrait démocratique. Et cette interface, comment on le traite? Comment on traite cette interface? Le GIEC est une façon de traiter cette interface. Où le GIEC ne fait pas de recherche, mais il met en forme, pour les gens que ça intéresse, l'état des lieux, l'état de l'art, l'état des connaissances dans les domaines du climat et les effets du climat sur la biosphère. Et c'est une façon de traiter cette interface. Mais donc ça, c'est une institution onusienne. Mais à l'échelle individuelle, quand je me suis rendu compte en 2005... qu'il y avait ce couplage énergie-climat qui était absolument déterminant pour l'avenir du monde, dans le siècle-là et les siècles à venir, comme on dit, je me suis dit que ça faisait partie du cahier des charges. Quand on est physicien, on est au laboratoire, mais il faut occuper aussi ce terrain-là et puis essayer d'expliquer au mieux. Non pas pour dire ce qu'il faut faire, mais simplement pour essayer de mettre à disposition de qui ça intéresse, l'état de l'art, l'état des connaissances. Donc vous avez plusieurs chroniques, Jacques Renner, qui sont consacrées à ces questions de l'énergie, et on a l'impression à vous lire que vous considérez qu'on parle mal de ces questions de l'énergie. Elle est maltraitée, les ordres de grandeur ne sont pas toujours respectés, oui. Il y a des formulations qui peuvent être trompeuses, par exemple, on parle de production d'énergie, or jamais personne n'a produit d'énergie, on ne peut que la transformer ou la faire passer d'un premier système à un autre système. Voilà. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir davantage de formation des parlementaires, mais aussi du public, à cette question de l'énergie? Oui, bien sûr. Est-ce que, par exemple, vous avez des commentaires à faire sur la décision qui a été annoncée récemment par le gouvernement de retarder le passage à 50% de la production d'électricité en France par la voie nucléaire? Oui. La surprise, c'est la décision gouvernementale de faire ça. Mais les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, c'est un principe de réalité. Pour moi, c'est l'image des dessins animés, vous savez, où un type court sur une falaise et puis il continue de courir tout droit jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il y a un trou et il se met à tomber. Et donc là... C'est pas lui qui s'en aperçoit, c'est la gravité. Oui, c'est ça, c'est la gravité. Mais elle s'en aperçoit brutalement, quoi. Pendant un temps, il continue à l'horizontale et puis après, boum. Et là, j'ai le sentiment que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les gens couraient au-dessus du vide... Les promesses de Hollande de ce 50% de nucléaire, etc. C'est inscrit dans la loi. Oui, c'est inscrit dans la loi, mais bon. Ça veut dire que les lois humaines ne résistent pas aux lois physiques. Non, ça veut dire que, en fait, il faut être précis et concret là, c'est que l'expérience allemande des 15 ou 20 dernières années montre qu'il est extrêmement difficile et probablement impossible de sortir à la fois du nucléaire et des combustibles fossiles. En fait, c'est ça la leçon, et c'est de cette réalité-là que le gouvernement a pris conscience et l'a exprimé par la voix de Nicolas Hulot, qui n'était pas naturellement porté à cela, mais il y a un principe de réalité à un moment donné, et c'est quand même extraordinaire que l'Allemagne, qui depuis 15-20 ans a dépensé quelque chose comme 350 milliards d'euros pour installer près de 100 gigawatts de puissance éolienne et photovoltaïque, le seul résultat qu'elle a obtenu, c'est d'avoir une électricité qui est deux fois plus chère qu'en France, sans avoir diminué les émissions de CO2. Les émissions de CO2 ont diminué dans la décennie 1990-2000 après la réunification parce que les vieilles centrales à charbon de l'Allemagne de l'Est qui fonctionnaient très très mal ont été arrêtées ou remplacées par des centrales qui fonctionnaient mieux. Donc là, il y a eu une diminution de CO2. Mais depuis, c'est stable et notamment malgré l'installation de, encore une fois, d'une puissance supérieure en énergie renouvelable intermittente, supérieure à la puissance des centrales nucléaires françaises, qui sont aux alentours de 63 gigawatts. Là, c'est près de 100 gigawatts qui ont été installés pour plus de 350 milliards d'euros, sans aucune diminution des émissions de CO2. Ça a même plutôt tendance à augmenter. Et l'Allemagne, pour les mouvements, pour la plupart des mouvements écologistes français, continue d'être un exemple de transition énergétique. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Dans ces chroniques que vous consacrez à la question énergie-climat, on sent parfois chez vous une forme d'agacement. Parfois, vous vous faites pédagogue, par exemple. Beaucoup voudraient que toutes nos voitures soient électriques. Oui. Alors, si c'était le cas, de combien faudrait-il augmenter la production d'électricité en France pour pouvoir alimenter les batteries de ces voitures en électricité? Oui. Alors, l'agacement, jamais. Mais simplement... Si. Si, ça se sent avant, on le sent. Non, parfois. Peut-être parfois. Non, mais il faut faire les règles de trois, quoi. C'est-à-dire, c'est très bien d'avoir des idées qualitative, de dire on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, etc. La recherche, ça fonctionne comme ça, il faut tout explorer. Mais à un certain moment, il y a une société qui fonctionne et qu'il faut faire fonctionner. Et donc là, il faut faire les règles de trois et avoir les bons ordres de grandeur. Prenons un million de voitures, un parc d'un million de voitures électriques, du type de la Zoé, de la nouvelle Zoé, là, qui a une bonne autonomie. Pas de publicité à l'antenne. Non, mais ça, c'est Renault, donc. Qui a une bonne autonomie de 300 km dans des conditions réelles, etc. Bon, donc c'est une batterie qui est de l'ordre de 50 kWh, qui contient à peu près 2 kg de lithium, quelque chose comme ça. Donc, 50 kWh, 1 million de voitures. Ben, vous calculez ça et vous vous apercevez que si vous voulez une charge alors pas tout en même temps bien sûr mais disons en 10 heures pas les charges ultra rapides parce que là alors la puissance devient gigantesque et pas trop longue non plus parce que bon une espèce de valeur moyenne de recharge en 10 heures ben il faut quelques centrales nucléaires 2-3 ou thermiques peu importe suivant le pays dans lequel on se trouve donc c'est 2 ou 3. Simplement pour 1 million de véhicules. Oui, pour 1 million de véhicules. Alors, des véhicules, en France, il y a 30 millions de véhicules individuels et puis quelques millions d'utilitaires, etc., etc. Bon. Donc, ça fait beaucoup, quoi. C'est beaucoup beaucoup d'augmentation du parc électrique, en France. Il y a aussi le problème des ressources. Parce que le lithium, si c'est 2 kilos de lithium par batterie, 1 million de voitures, ça fait 2000 tonnes de lithium. À l'heure actuelle, du lithium au monde, il s'en produit en gros 20 000 tonnes. Donc, c'est 10% pour 1 million de voitures dans la France, qui est un centième de, etc. Bon. Donc, mais on pourrait faire des batteries autrement qu'avec du lithium. Alors, oui, bien sûr. Et il y a d'ailleurs des tas de choses qui sont. Donc, je dis pas du tout que il faut pas le faire ou que c'est impossible. Mais il faut avoir ces chiffres en tête. Mais il faut avoir, voilà, exactement. Il faut avoir ces chiffres en tête et puis voir que, ben, voilà, il y a les voitures électriques. Ça, c'est une chose qui est possible. Et puis, il y a d'autres pistes qu'il faut pas abandonner, comme, par exemple, fabriquer des voitures plus légères qui consomment 2 litres au 100 au lieu de 4 ou 5 et vous avez divisé par 2 très rapidement. Et ça, l'industrie automobile, elle sait le faire, hein. Ils savent tout faire, de toute façon. Y compris masquer des choses qu'il faut pas masquer. Mais si on leur demande de faire des voitures à 2 litres au 100, ils savent faire des voitures à 2 litres au 100. Et dans la Zoé, elle coûte 25 000 euros. Le tiers, c'est la batterie. Ça fait 8 000 euros. À 8 000 euros, vous avez une petite voiture qui consomme 2 litres au 100. Donc, il faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Il faut faire les règles de trois, quoi. Puis voir ce que ça donne. C'est juste ça. Alors, vous dites de la COP21, qui s'est tenue à Paris, qu'elle a été un succès mitigé parce qu'elle dit dans ses conclusions que ce qu'elle propose n'est pas suffisant. Oui. Qu'est-ce que vous attendez, Jacques Trenaire, de la COP23 qui se déroule ces temps-ci à Bonn? Alors là, si on veut exercer son pessimisme. Sachant qu'il y a une nouvelle donne qui est Monsieur Trump. Oui. Alors, si on veut exercer son optimisme, alors c'est pas mal de réfléchir au climat parce que ça secoue tout l'optimisme qu'on peut avoir, toute la masse d'optimisme qu'on peut avoir, y compris en écoutant du Shostakovich. Ça le met sérieusement en question. La COP 21, comme vous l'avez rappelé, c'est une jolie corbeille qui a été faite. Jolie corbeille parce que près de 200 pays ont signé. Le fait qu'il y avait un problème avec le climat, etc., les chefs d'État, tout ça. Mais en même temps, dans le préambule à l'accord, il est dit explicitement, comme vous l'avez rappelé, qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Cette trajectoire, elle n'est pas fixée une fois pour toutes, elle est révisable, etc. Bon, très bien. Mais en tout cas, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Et on le savait. Hein. Moi, j'ai écrit un papier en avril 2015 disant que l'objectif des 2 degrés C, c'était dans le passé et que, voilà, il fallait réfléchir un peu plus sérieusement à s'adapter à des changements de toute façon déjà joués compte tenu de ce qu'on avait mis dans le passé. En même temps qu'on réfléchit aux façons de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Mais on n'est toujours pas sur la bonne trajectoire. Vous avez rappelé les États-Unis qui... Enfin, il y a un déni, quoi, de la part d'une partie de l'administration américaine. Je pense pas que l'armée américaine soit dans cette même situation de déni, parce que les armées doivent réfléchir aux instabilités que la dérive climatique va impliquer en termes de déplacement de population, etc. Donc je pense pas que l'armée américaine soit dans la même situation de déni que Trump. Mais en tout cas, voilà, donc on place des créationnistes au ministère de l'Éducation, on met à l'EPA, l'Environmental Protection Agency, on met des gens qui sont des climato-sceptiques. Enfin, c'est fou. Depuis Lysenko ou chez les nazis, on n'a jamais vu un tel déni d'une science bien établie, etc., et qui fonctionne normalement. Donc, c'est sans doute pour cela que vous dites dans l'une de vos chroniques qu'il faut changer le rapport à la vérité. Alors oui, alors ça c'était très intéressant parce que c'est pas moi qui le dis. En fait, c'était Emmanuel Macron qui, 3 jours avant le deuxième tour des élections, est allé chez Mediapart, était invité chez Mediapart. Et Jad Lingard, qui est une journaliste et qui est plutôt anti-nucléaire, lui a posé des questions sur le nucléaire. Qu'est-ce qu'il pensait du nucléaire en France? Bon, sa réponse n'était pas extraordinaire de précision, mais à un moment, il a dit que il consulterait plus les cercles académiques, en quelque sorte, sur ces questions-là, et qu'il fallait rétablir, c'était ça sa formule, qu'il fallait reconstruire le rapport à la vérité. Alors, c'était une formule intéressante que j'ai jamais entendue Qui sera le mot de la fin, Jacques Trénaire, parce que le temps a passé. Non. Merci d'être venu à la conversation scientifique pour nous enthousiasmer et nous refroidir, ça dépend des questions. Je recommande la lecture de votre livre de chronique intitulé « Un peu de science, ça ne peut pas faire de mal ». C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Jean-Louis Deloncle et à la réalisation François Connac.